esprit de l'imperméabilité de sa conscience et qu'il vient en contact avec l'invisible ou avec les forces de l'invisible qui serait pour lui une forme de magie absolument extraordinaire, il serait absolument incapable de dissocier le vrai du faux. Il ne serait pas capable de voir la différence entre le réel et l'irréel. Il ne serait pas capable de saisir l'instant de lucidité qui lui permettrait de voir derrière la forme qui se présente à lui et qui est réellement anti-homme. Donc l'homme, la première étape de l'évolution de la conscience de l'homme sur la terre est celle où celui-ci pourra mettre le doigt sur tout ce qui se trame dans son mental, dans sa conscience mentale. Et nous avons pas besoin d'aller loin, nous avons dans la société, nous avons des hommes qui commettent des actes qui sont antisociaux, des hommes qui sont malades, qui ont beaucoup souffert. Les psychiatres, les psychologues les analysent et souvent ces hommes vont dire « Ah ben, c'est une voix qui m'a dit de faire ça. » Bon, alors c'est déjà un effort. C'est déjà un effort pour nous de voir qu'il y a effectivement dans la réalité mentale de l'homme une multidimensionnalité que l'homme vit sur le plan matériel et qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a au-delà de ce plan matériel une réalité qui est très vaste et qu'il doit éventuellement arriver à contrôler, à mettre le doigt dessus. Et le premier pas de l'homme vers sa cosmicité, vers sa conscience, vers son identité, vers sa réalité, ce n'est pas vers la vérité. Le premier pas, c'est vers l'étude de sa pensée. Lorsqu'il aura bien étudié sa pensée, il verra le jeu de la pensée. Il verra l'astral de la pensée. Et c'est là que se situe aujourd'hui son premier rôle par rapport à lui-même. Et ensuite, le reste, ça va se développer. Ça fera partie de son évolution, de l'agrandissement de sa conscience, de la sensibilité de ses corps subtils, et ainsi de suite. Bon, on voit une personne en déséquilibre qui fait un meurtre, qui dit « Je le fais au nom de la Vierge Marie ». La personne qui regarde le fait se dit « Dès que quelqu'un, on lui parle dans son esprit, elle est en situation de déséquilibre ». Comment une personne, en guillemets, bien pensante, peut s'imaginer qu'il y a des pensées ou que les pensées qu'elle a dans son esprit ne viennent pas d'elle, si elle se voit ou elle se vit en équilibre? Ben, généralement, la personne qui est en équilibre a l'impression d'être consistante, qu'elle a le contrôle, qu'elle est organisée, qu'elle est ordonnée dans son mental. Alors que les gens qui lui manifestent une condition de contact avec l'au-delà ou de l'invisible, c'est des gens qui ont une forme quelconque de déséquilibre, y compris les médiums. Parce que les gens qui sont en contact avec l'astral, à ce point-là, à ce point évident-là, là, éliminons les médiums, prenons les gens qui sont malades, parce que les médiums ne sont pas nécessairement malades, ces gens-là vivent une vie mentale possédée par l'astral. Ce sont des possédés. Ils sont possédés par l'astral. Alors que le médium, lui, il est en contact avec l'invisible, il est en contact avec le haut astral, ou même il peut être en contact avec le plan mental. Mais ce médium-là qui est en contact avec le haut astral reçoit de l'information créative qui permet de soulager les maux de l'homme, de l'humanité. Donc, avec qui on est en contact? Avec qui? Il faut le savoir. Si on ne le sait pas, à ce moment-là, on a des problèmes. Hein? Ça, c'est comme un peu l'amitié qu'on a sur la Terre. Quels sont nos amis? On a des amis. Sur le plan physique, c'est facile d'identifier un ami. Par les soins qu'il nous apporte, par les relations avec lesquelles on le traite. Et quand on traite en vertical avec l'astral, on traite avec des entités qu'on ne voit pas, on traite avec des entités qui nous amènent à commettre des actes véreux, à ce moment-là, il est évident que l'homme ne peut pas se permettre de le croire. Mais déjà, ils sont très affectés, ces gens-là. Ils sont dans l'ignorance totale de leur moi, donc ils vont dans ce mouvement-là et ils font ces actes. Par contre, vous avez des hommes, des êtres qui sont médiumniques et qui sont en contact avec l'invisible et qui rendent de grands services à l'humanité. Ça, c'est en contact avec le bas ou le haut astral. Mais l'homme doit un jour être libre. Et quand je dis que l'homme doit être libre, je dis que l'homme ne doit plus un jour, et ce sera ce qui se passera, l'homme ne doit plus un jour, dans l'évolution de la race, être en contact avec des entités, c'est-à-dire des âmes qui font partie du monde de la mort, que ce soit des âmes qui appartiennent au bas astral, qui permettent à l'homme, à travers la possession, de commettre des actes qui sont antisociaux et véreux, ou que ce soit des hommes qui sont en contact avec le haut astral et qui permettent d'aider l'humanité à travers des messages qui viennent de l'au-delà. L'homme doit être un jour totalement conscient, c'est-à-dire il doit recevoir sa pensée de son principe original. c'est-à-dire de son grand moi, de son principe universel qui connecte avec son principe matériel à travers l'âme qui a été très très transformée. À ce moment-là, l'homme n'est plus un médium. Il est simplement créatif. Il est conscient. À ce moment-là, la chance qu'il vive de l'information qui vient de l'astral, même du haut astral, elle est totalement éliminée parce que l'on soit en contact avec le bas ou le haut astral, ou que l'on soit simplement en contact avec le haut astral. L'astral, c'est le monde de la mort, et le monde de la mort, il est régi par des lois aussi sévères que nous sommes sur la Terre régis par la gravité, et l'homme un jour doit être totalement libre de l'astral, comme un jour l'homme sera libre de la gravité. Et d'ailleurs, je peux vous apporter un parallèle, lorsque l'homme sera libre de l'astral, il sera libre sur la Terre de la gravité. C'est l'astral qui mettait l'homme en gravité sur la Terre. Les forces gravitaires sur le corps de l'homme, sur la conscience de l'homme, sont reliées à son appartenance au monde astral. Qu'est-ce qui donne la densité à... C'est ce qui donne la densité à son corps, ce qui empêche l'homme de sortir facilement de son corps matériel en forme éthérique et de se libérer. Donc lorsque l'homme sera conscient, lorsqu'il sera libre de l'astral, il pourra sortir à volonté de son corps matériel et continuer à évoluer et à travailler sur les plans parallèles et revenir à son plan matériel si ça lui plaît, si c'est jusqu'à temps qu'il l'est. On parlait tout à l'heure d'identifier dans la pensée les sources de l'invisible, c'est-à-dire si l'information qu'on reçoit dans le mental est d'ordre astral ou d'ordre du double, la source. Parce que une pensée dense, une pensée obsessionnelle, est-ce que c'est une pensée astrale? Est-ce qu'on peut avoir un embryon de reconnaissance de ce qui est astral, de ce qui est éthérique, en sachant qu'une pensée éthérique, là c'est une hypothèse que je mets là, en sachant qu'une pensée à caractère éthérique est une pensée qui est plus légère ou moins dense que l'autre, qui est une pensée astrale qui serait plus dense. C'est une hypothèse que je vous soumets. Pour regarder la pensée, c'est très difficile pour l'homme de à moins qu'il ait des facultés particulières, c'est difficile pour l'homme de savoir s'il est en contact avec l'astral ou sur... ou s'il est en contact avec le plan mental. Tout ce que l'homme a à savoir, c'est s'il est intelligent ou non. Il ne faut pas qu'il y ait de complexe, en tout cas. Je ne parle pas de complexe. Je parle d'intelligent. Si tu es intelligent, ce qu'il reçoit, ce qu'il pense, c'est pas intelligent. Si le bonhomme se fait dire que si le bonhomme pense dans sa tête, parce que l'homme pense qu'il pense, si le bonhomme pense dans sa tête qu'il n'est pas intelligent, déjà, c'est astral. Donc, tout ce qui était... Un homme qui pense, qui reçoit une pensée dans sa tête, qu'il n'est pas intelligent, il est astralisé, parce que l'homme est un être intelligent. L'homme est un être de lumière. Si cette lumière est interceptée par l'astral, pour des raisons de toutes sortes dépendantes d'individus, c'est à lui, en tant qu'ego, conscient, ou plus ou moins conscient, de réaliser que l'homme, lui-même, en tant qu'individu, est un être de lumière. Il n'y a peut-être pas beaucoup de lumière, peut-être qu'il y a un petit peu de lumière, mais de la lumière, c'est de la lumière. Donc tout ce qui va... qu'il ait 2 watts, ou 100 watts, ça éclaire. Donc tout ce qui irait dans le sens d'une négation de l'esprit de l'individu serait astral. Ce qui va dans le sens de la négation de l'importance créative de l'individu en tant qu'ego, qui est capable de se valoriser par rapport à lui-même, pour bénéficier de sa propre identité. Oui. Peut-être ça t'aurait écouté. L'attitude mentale que l'individu a généralement de se démolir, de se détruire dans un fait, c'est-à-dire, l'individu généralement fonctionne par comparaison. C'est une source d'astralité, c'est-à-dire, oui. Bon. C'est impossible à un être humain qui est dans le mental de vivre la moindre négativité par rapport à sa conscience personnelle. Okay. Donc, ramener ça sur un plan plus bas, dépendant à quel niveau il se situe, dépendant à quel niveau il se situe astralement, au niveau des courants qui énergisent son âme, et ainsi de suite. Vous avez la proportionnalité de la compétence psychologique de l'ego par rapport à l'invitation de lui-même, par lui-même, pour lui-même, à se reconnaître une identité. Okay. Cette reconnaissance de l'identité, est-ce qu'elle doit passer par l'individu en premier, ou si elle peut passer par un autre? C'est-à-dire que, disons qu'on vous considère comme un être intelligent, mais qu'on ne se voit pas nécessairement nous comme étant intelligent. Mais si vous nous dites, je suis, vous êtes intelligent, la personne dit, bon ben là, je commence là. Pourquoi qu'elle m'a dit que je suis intelligent? Okay. Si une personne est suffisamment généreuse, intelligente, pour vous dire que vous êtes intelligent, parce que une personne qui dirait à une autre personne qu'elle est intelligente, c'est déjà un acte de générosité, c'est déjà un acte d'intelligence, ça fait déjà partie de la conscience. À ce moment-là, si l'autre personne se refuse d'accepter ceci, elle est réellement bête. Par contre, si elle est suffisamment intelligente, suffisamment sensible, suffisamment à la recherche d'elle-même, ainsi de suite, si elle a suffisamment de respect pour le jugement de l'autre, elle pourra bénéficier du jugement de l'autre par rapport à elle et commencer à grandir. Donc c'est très important que des hommes entre eux, quand je parle des hommes, je parle sur le plan générique, que des hommes soient suffisamment généreux dans l'esprit pour que, s'ils rencontrent des hommes, leur dire « Ah, c'est très intelligent ce que vous faites, madame, ou c'est très intelligent ce que vous faites, monsieur. » À ce moment-là, l'autre, il va s'arrêter parce qu'il n'est pas habitué, on n'est pas habitué à se faire arrêter sur la rue Sainte-Catherine, sur la rue. Vous êtes très intelligent, monsieur. Mais un type qui se fait arrêter sur la rue Sainte-Catherine, point blank, et qui se fait dire « Monsieur, vous êtes très intelligent, ce que vous avez fait hier après-midi au bureau, c'était très bien. » Ça change sa vie. Oui. Ça change sa vie. Non. Peut-être qu'il va se demander des questions, comment ça se fait que vous savez qu'est-ce que j'ai fait au bureau, ça c'est pas important. Le point, c'est que ça va changer sa vie. Mm-hmm. Bon, est-ce qu'il est possible qu'un individu qui a accès, par personne interposée, à je dirais, une réflexion extérieure de lui-même qui est positive, est-ce qu'il est possible que cette personne-là puisse astraliser fortement ce qu'elle reçoit de l'extérieur? Oui. Bon, est-ce que ça ne peut pas empirer son cas? Oui, c'est ça le problème, c'est que d'ailleurs, pour faire un peu de mots, parce que c'est quand même souvent nos conversations sont sérieuses, mais souvent j'aimerais rencontrer des gens et dire ouais, c'est très intelligent toi ce que tu fais. Ouais. Mais comme c'est moi qui le dis, là à ce moment-là, ils vont astraliser. Donc, c'est plus facile pour vous de dire à une personne qu'elle est intelligente que pour moi. Moi, c'est très difficile parce que les gens vont me prendre au sérieux. Et à ce moment-là, ils vont astraliser. Ah, Bernard de Montréal, il a dit ça, bababababa. Tandis que si c'est vous, ils vont le prendre avec un grain de sel. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas bon que je le dise. J'astraliserai pas ça. Non, je ne parle pas de vous dans votre cas. Non, c'est évident. Mais d'abord, la condition qui permet à l'individu de voir que sa pensée, c'est une source de manipulation, c'est-à-dire qu'il est manipulé dans sa pensée. Généralement, les gens le ressentent ou le vivent dans leur relation, dans leur communication avec les autres. Et le fait de devoir communiquer incessamment avec des gens qui eux-mêmes sont astralisés, ça devient extrêmement difficile de faire le pont entre ce qui est matériel et ce qui est invisible. Et y a-t-il un moyen de savoir, dans l'échange qu'on a avec quelqu'un, de voir que la personne, son information qui vient d'ailleurs, que ce soit d'ordre astral ou d'ordre psychique, que cette information-là se traite toujours d'ailleurs. Se traite. Moi, je sais, quand j'étais en relation, disons, un petit peu sous tension avec mon épouse, des fois, j'aimerais ça qu'on aille parler avec eux autres en haut, parce que c'est eux autres qui nous créent la situation de tension. Mais on dirait qu'il faut toujours que ça se traite sur le plancher des vaches. Y a-t-il un moyen de détecter ou de faire passer la conversation à quelque chose de plus psychique, de plus subtil? Y a-t-il une façon ou une méthode ou une façon de percevoir les choses d'une façon occulte ou psychique? Dans la mesure où deux personnes qui se parlent sont capables de communiquer intérieurement, effectivement, si deux personnes se parlent et sont capables de communiquer intérieurement, c'est très facile de résoudre n'importe quel des problèmes ou n'importe quel des anomalies qui peuvent survenir au cours d'une conversation, parce que à ce moment-là, il y a suspension de l'ego. Mm-hmm. Donc, le partenaire A, il va dire à partenaire B, demande leur impression de telle chose. Donc, le partenaire B va recevoir une information, mais qui va toujours être possiblement colorable par sa conscience. Mm-hmm. Autrement dit, pour que deux êtres, bon, disons que on est deux personnes et qu'on a quelque chose à regarder. Pour que moi, je puisse vous demander une question à travers votre contact sur une certaine situation et aller avec la réponse, il faut que je sois très très sûr que votre conscience mentale est intacte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas astralisable. Mm-hmm. Sinon, si elle est astralisable, je vais sentir la limite de ce qu'on va vous informer, et là je vais être obligé d'aller plus loin que l'information qu'on vous donne, et ensuite les forcer à vous répondre comme moi je veux. Parce que, ultimement, sur les plans, ultimement, ils ne peuvent pas mentir, ultimement. Mais ils peuvent déjouer. Donc, il y a toujours un être dans une relation de conversation, il y a toujours un être qui est plus sensible à la vibration que l'autre. Et c'est lui qui a le rôle d'amener plus loin la réponse à la question. On ne peut pas prendre pour du cash la réponse qui vient des plans. On doit être nous-mêmes capables de mesurer la vibration de cette réponse et on va avec cette réponse. Parce que la fonction, et d'ailleurs ça c'est une question que j'ai demandé en 69, au début de ma fusion, j'avais demandé quel est votre rôle avec l'homme sur la Terre. Est-ce que c'est de le rendre intelligent? Et on m'a répondu, ce n'est pas de le rendre intelligent. C'est de lui donner de la clarté. Autrement dit, ce qu'il disait, c'est que l'homme est un être de lumière dont il a accès à ce mouvement d'énergie qui est une intelligence créative. Mm-hmm. Ce qu'il a de besoin, c'est de la clarté. Donc, il a besoin d'être de moins en moins affecté par des voiles. Des voiles sont des courants d'énergie astro. Donc, moins l'individu est astralisable dans son mental, moins il a d'inquiétude d'être astralisé dans la réponse. Moi, si je fais ce phénomène de question-réponse avec mon épouse, je n'ai aucune question, je n'ai aucune ambiguïté dans la réponse qu'elle reçoit des plans, parce que au cours des années, elle a été amenée à une transmutation intégrale de son aura astrale. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et c'est la même chose par rapport à ma personne. Donc, on peut se fier mutuellement à une réponse. Parce que souvent, j'aime recevoir un point de vue à travers sa conscience. Mais parce que ça me permet de voir, d'apprécier la limpidité de sa conscience. Donc, à ce moment-là, pour que je le fasse, pour que je puisse vivre et apprécier de cette limpidité de conscience avec mon épouse, il faut que je sois sûr que l'information qu'elle reçoit ne soit pas astralisable. Et ça, c'est avec le temps et l'évolution de chaque individu qu'on le mesure, qu'on le sait. OK. Mais est-ce que vous êtes en fusion, vous êtes donc parfaitement en conscience, en permanence, 24 heures sur 24, d'une relation avec les plans, quand vous regardez un individu qui soit d'ordre de, que son influence dans sa pensée soit d'ordre astral ou d'ordre psychique, est-ce que vous le voyez toujours sur deux niveaux, c'est-à-dire sur l'aspect matériel et sur le plan de sa relation avec soit l'astral ou le double? Est-ce que c'est un état de conscience permanent chez lui? Est-ce qu'il est possible de regarder un être humain, de parler avec et de toujours savoir que ce qu'il parle, que ce soit d'ordre astral ou que ce soit d'ordre du double, c'est toujours une information qui vient de l'invisible? Est-ce qu'il est possible de vivre comme ça? Oui, effectivement, si on parle avec un individu, qu'on le regarde, qu'on sent sa vibration, on sait instantanément si ce que l'on reçoit de lui est astralisé ou si ça ne l'est pas. Mais par contre, moi je n'ai pas d'intérêt à occulter ma conscience par rapport à l'individu parce que je passerai mon temps dans les nues. Oui. Donc, mais à sa façon de me parler, je sais où il se situe au niveau de sa vibration et je reste là. Sinon, j'entre dans un dialogue occulte avec moi-même. Wow. Et je ne suis pas intéressé à faire ça parce que je serais comme un médium mental. Au lieu d'être un médium astral, je serais un médium mental. Je serais toujours à la recherche et à la découverte et à l'étude de l'homme. Donc, je m'épuiserais. Donc, mais si l'homme parle, si je parle avec quelqu'un et qu'il est intelligent, je le sais. S'il est astralisé, je le sais. Il dépend de notre relation, mais je peux l'aider, je peux lui faire voir des choses. Mais ça dépend de ma relation, ça dépend où je situe mon activité avec lui dans la vie, ça dépend de l'importance, ça dépend de toutes sortes de choses. Mais cet état de veille que vous avez, vous l'avez constamment. Oui, elle est constante, oui. Bon, les gens dans le quotidien ne l'ont pas en permanence. Ils sont obligés de s'asseoir à une table et quasiment mettre les mains sur la table pour pouvoir commencer à s'imprégner d'une sorte de transe pour communiquer ou échanger, aller chercher ou dépouiller l'invisible dans la pensée. Tandis que ce que je vous posais comme question, est-ce qu'il est possible de vivre un état de veille où on peut reconnaître instantanément qu'est-ce qui est astral, puis qu'est-ce qui est psychique de l'être, instantanément et en pleine action, sans être obligé de s'asseoir tout le temps, là, à faire une étude? Mais oui, effectivement. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. Oui, je sais, mais je pense... C'est la même chose. Vous me posez une question, vous pouvez vous donner la réponse. C'est la même chose. Il y a des hommes qui ont cette sensibilité. Il y a des hommes qui ont cette sensibilité de reconnaître une vibration instantanément. Il y a des médiums. J'étais en France dernièrement, j'ai rencontré des médiums. D'ailleurs, je vais les revoir probablement au mois de septembre. J'ai rencontré un sect de médiums en France, à Paris. Sept médiums. Des médiums extraordinaires. Des médiums qui lisent très bien. Des médiums qui ne sont pas des médiums de service, ce sont des médiums instructeurs. D'ailleurs, je vais leur expliquer quand je vais retourner. Et ces médiums-là étaient très très intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient suffisamment un bel ego. Autrement dit, suffisamment de transparence pour pouvoir travailler ensemble. Et quand des médiums travaillent ensemble, comme des médecins travaillent ensemble, des psychologues travaillent ensemble, vous rentrez dans la crème des médiums. Parce qu'en général, les médiums se fuient. Ils ne veulent pas travailler ensemble parce qu'il y a trop d'orgueil spirituel dans leur personnage. Mais quand vous avez sept médiums qui travaillent ensemble et qui étudient un cas ensemble, c'est absolument merveilleux. Et c'est à cause de cette capacité, de cette vibration qu'ils ont, que je vais retourner en France pour les rencontrer. Et je vais leur donner plein la gueule, parce que ce sont des gens merveilleux. Et je vais travailler avec eux pour ouvrir l'Europe. Mais pour que des gens puissent sentir la vibration, reconnaître la vibration, instantanément, sans être en transe, ça prend de la conscience, ça prend de la sensibilité. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de leur expérience. L'homme sera normalement ainsi. Parce qu'on ne peut pas, vous imaginez un jour, l'homme qui travaille dans la science, qui est occupé dans l'architecture, et qui est conscient, qui a une conscience supramentale, et qui tombe dans les pommes. Un homme conscient n'a pas tombé dans les pommes. D'ailleurs, un homme qui tombe dans les pommes pour entrer en transe médiumnique, c'est déjà un être de service qui vit un karma. Un homme devrait être conscient, devrait avoir toutes les lumières allumées en avant et en arrière, pouvoir travailler avec des petits... pouvoir travailler avec la matière, et aussi en même temps parler avec les plans. Et c'est ce que l'homme sera. L'homme sera totalement multidimensionnel, conscient. Il sera totalement intégré, intégral. Donc, travailler dans la technique, et en même temps travailler avec les plans, ça amènera cette fameuse technique à servir finalement l'humanité. Parce que si l'homme était conscient aujourd'hui dans le labo, et qu'il faisait des expériences en recherche dans le labo, et qu'il pouvait être en contact conscient avec les plans, il ne ferait pas certaines recherches dans le laboratoire. Si la science aujourd'hui est arimanienne, c'est justement parce que l'homme n'a pas contact avec les plans. Il a simplement contact avec le plan astral, dont il ne connaît pas la conscience, dont il ne connaît pas l'organisation, l'action, l'activité occulte, et il croit, lui, qu'il est intelligent. Bon, les médiums dont vous parlez, est-ce que c'est un exemple d'une future société, étant donné qu'ils sont capables de travailler ensemble, est-ce que c'est un exemple d'une future société de gens conscients? Oui. C'est un embryon. Okay. C'est un embryon d'une conscience collective humanisée à l'extrême. C'est une conscience humanisée à l'extrême dans ce sens que viendra un point où les hommes conscients seront effectivement une collectivité, parce qu'il y en, il y en aura de plus en plus. Par contre, ils seront totalement individualisés. Donc, ce sont des hommes qui représenteront collectivement ce qui se dessine aujourd'hui. Et c'est merveilleux de voir des êtres. Vous savez, quand on est dans la construction, qu'on n'aime pas l'autre ego, qu'on ne veut pas travailler avec l'autre, ce sont des... Bon, c'est normal, l'inconscient. Ou quand on est dans la construction, qu'on travaille en équipe. Ah, là, c'est plus beau. Imaginez-vous quand ce sont des médiums qui travaillent en équipe sur un cas et qui reçoivent de l'information, et que tout ceci coïncide pour élever la vie de l'autre, pour faire voir la vie de l'autre. C'est absolument extraordinaire. C'est ce qui a épaté ma femme quand elle a rencontré ces gens. Et ils ne sont pas en train. Très, très, très. Donc, ça voudrait dire que c'est pas un contact dans l'astral qu'ils ont. Ils ont le contact avec l'astral, parce qu'ils sont obligés de venir en contact avec des entités qui font partie de l'entité de celui qu'ils étudient. Par contre, ils sont capables de venir en contact avec le plan mental, comme ça s'est fait dans mon cas. Dans mon cas, ils sont venus en contact avec le plan mental et ils ont reçu une information. Donc, automatiquement, c'est très intéressant de voir que des gens sont capables de passer du plan astral au plan mental. et de vivre cette expérience dans une transparence égoïque absolument extraordinaire, surtout lorsque l'on considère que ça se passe à Paris, en France. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que ces gens qui ont accès à leur mental sont capables de reconnaître tous les gens qui ont accès à leur mental? Est-ce que ces gens-là ont besoin d'une historique de vie avec quelqu'un pour lui donner une certaine reconnaissance? Vous parlez de ces gens-là dont je parle? Je parle de ces gens-là. Alors, parce que ça semble être un exemple de ces gens-là. Ces gens-là, c'est une instantanéité. C'est une instantanéité. C'est instantané. Donc, ils ne discutent pas le lien qu'ils ont ou la concordance d'esprit qu'ils ont avec les personnes qu'ils rencontrent. Bon. Est-ce que c'est suffisamment puissant, cette reconnaissance-là, pour pouvoir travailler spontanément avec ces gens-là? Oui. Oui. Bon, est-ce que des gens conscients, je prends ça comme exemple, est-ce que des gens conscients devraient être capables de se reconnaître dans la même instantanéité? Les gens conscients seront capables de se reconnaître dans la même instantanéité avec le temps. Bon, qu'est-ce qui empêche ça? L'ego. Quel est l'aspect de l'ego? Puisque si on dit que c'est l'astral qui génère les pensées chez l'individu, qu'est-ce qui colore? Bon, est-ce que ces gens-là, exemple, ont de l'instantanéité parce qu'ils ont été, négociés avec l'astral sur leur plan, alors que l'individu qui fonctionne dans la construction, lui, n'est pas capable de s'intéresser à l'invisible de la même façon que ses médiums et ne peut pas contrer l'astral sur son terrain? Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie du statut universel de l'âme. Ce sont des êtres qui ont un certain niveau d'évolution, ça fait partie de leur rôle sur le plan matériel. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, C'est accessible à l'homme au cours de l'évolution. L'homme deviendra ceci. L'homme conscient sera ceci. Mais est-ce que cet individu-là qui va... Mais par contre, l'homme aujourd'hui, tous les hommes, on parle des hommes, on regarde la salle, il y a... Effectivement, là, c'est peut-être une salle là, qui ne représente pas la moyenne. Mais si on prend l'homme dans la rue, ouais. Bon, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie. Je rencontre encore beaucoup de personnes dans ma vie, de moins en moins, mais j'en rencontre quand même. Et toutes ces gens que je rencontre, au cours de la petite conversation, me disent qu'ils ont eu telle expérience dans leur vie. Je ne connais personne qui n'a pas eu au cours de son expérience dans sa vie quelque chose qui lui a fait poser des questions intérieures par rapport à une certaine substantialité de l'invisible. Mais c'est lorsque l'homme entre dans la job, dans la construction, dans le bureau, dans l'étude, dans son étude, dans ses relations avec le collègue, qu'il perd ceci. Combien de médecins ont une grande sensibilité et ne peuvent pas parler à d'autres médecins de leur sensibilité parce qu'ils ne veulent pas passer pour des drôles? Combien de psychologues, de psychiatres, de plombiers, de fermiers, surtout de fermiers, ont vécu des expériences que eux vont plus facilement parler avec d'autres parce qu'il y a moins de risques psychologiques sur le plan social au niveau du statut personnel et de l'éducation et de tout ça. Donc, tous les hommes ont des signes dans leur vie, tous les hommes ont des signes, mais les hommes ne reconnaissent pas les signes. Et il y a une science maintenant qui va nous faire reconnaître les signes, étudier les signes et finalement étudier les mécanismes profonds de la conscience humaine. Et finalement, l'homme sera obligé de reconnaître qu'il n'est pas le seul. Qu'il n'est pas le seul. Que nous sommes tous des êtres de lumière, plus ou moins conscients, plus ou moins effrayés de notre conscience, plus ou moins divisés contre nous-mêmes, parce que nous avons été abondamment, au cours de l'évolution, nourris de notions qui ont servi à maintenir sur la Terre le pouvoir temporel ou spirituel. À partir du moment où l'homme sera capable, sur le plan psychologique de l'ego, de se libérer des conventions qui appartiennent au pouvoir temporel, et de ses notions, ou aux conventions qui appartiennent au pouvoir spirituel et ses notions, l'homme s'élèvera dans sa propre créativité, dans sa propre science, et quand il reviendra les deux pieds sur terre, et qu'il regardera dans le monde des hommes qui encore ont besoin des notions qui appartiennent au pouvoir temporel ou des notions qui appartiennent au pouvoir spirituel, il sera suffisamment généreux pour respecter les droits de tous. Merci, Bernard.